Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'aviateur Jacques de Lesseps. Vous imaginez bien, en 1926-27, c'est le premier à survoler la Gaspésie. Alors, c'était nouveau de voir un oiseau métallique comme ça dans les airs. Alors, ça fascinait l'imaginaire des gens. En plus, Lesseps est un gars qui était reconnu pour être très, très gentil, très gentleman. Alors, il s'est rapidement fait de beaucoup d'amis, tant chez les francophones que les anglophones de Gaspé. C'est de l'aviateur Jacques de Lesseps dont parle Jean-Marie Fallu, le président de la Société gaspésienne du patrimoine, à l'émission À la une, présentée à notre station de Matane en octobre 2007. En plus d'avoir laissé un souvenir durable à la population gaspésienne, Jacques de Lesseps peut être considéré comme l'un des principaux pionniers de l'aviation. Il est le premier aviateur au monde à voler et à atterrir de nuit et le deuxième aviateur à traverser la Manche en avion, suivant de près son prédécesseur Louis Blériot. Jacques de Lesseps sera aussi le premier à survoler Montréal, Toronto et la Statue de la Liberté à New York. C'est dans une ambiance choyée que le jeune de Lesseps traverse ses premières années. Mais déjà, les débuts de l'aviation fascinent le jeune homme qui a entendu parler de l'exploit des frères Wright. Il fait la connaissance de Louis Blériot, qui, le 25 juillet 1909, traverse la Manche de Calais à Douvres. Jacques de Lesseps se lie d'amitié avec Blériot, qui accepte de lui construire un appareil, qu'il baptise du nom de Scarabée. Et c'est à bord de cet avion que de Lesseps traverse à son tour la Manche, devenant ainsi le deuxième pilote à réussir cet exploit. Dès lors, toute la vie, les énergies, les ressources de ce fils de bonne famille seront tournées vers l'aviation. Le pilote passe son brevet en 1910. Partout en Europe, les gens se passionnent pour ces machines volantes et les fous qui les pilotent. De Lesseps entre dans le cirque des pageants et rendez-vous aériens. Les journaux offrent des bourses importantes pour l'époque. On pousse les limites de plus en plus loin. Les aéroplanes sont munis de moteurs plus fiables. Dans le ciel d'Europe, les nuages de la guerre ne sont pas encore menaçants et De Lesseps a trouvé sa voie. Mais déjà, l'Amérique lui fait signe. D'autres exploits l'attendent au Canada. Extrait du documentaire « Jacques de Lesseps, un conte dans le ciel », un documentaire réalisé par Marc-André Perrault et Robert Tremblay en 2002. Pour nous parler des exploits de Jacques de Lesseps, pour nous rappeler aussi l'importance qu'il a eue chez nous, je reçois l'historienne et vulgarisatrice Myriam Wojcik, qui est aussi historienne en chef pour l'émission Québec, présentée à Télé-Québec. Myriam Wojcik, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, il existe, Myriam Wojcik, un lien étroit entre le territoire québécois et le destin de Jacques de Lesseps. Commençons par là. Parlez-nous de ce lien-là, justement. Ben oui, parce que c'est en partie ici, à Montréal, au Québec, qu'il va se faire remarquer, puisqu'il va être le premier à survoler la ville, donc à survoler Montréal. Et il sera aussi le premier à survoler la ville de Toronto. Ça, c'était en 1910, quand même, vraiment au tout début de l'aviation. Et puis plus tard, dans les années 1926 et 1927, il va être le premier à cartographier cette vaste et très belle région qu'est la Gaspésie. Et puis, comble de, je vous dirais, du malheur, c'est ici aussi que son destin s'achève, en 1927, suite, en grande partie, à une querelle Québec-Ottawa. Ça, c'est incroyable. Puis on va y revenir, évidemment, sur cette querelle et cette fin tragique pour Jacques de Lesseps dans quelques minutes. Commençons quand même par le commencement. Déjà, c'est pas banal. Quand on parle de Jacques de Lesseps, il appartient à une grande famille française. C'est le fils de l'un des Français qui, à l'époque où il vit, est l'un des Français les plus connus de son temps, le vicomte Ferdinand de Lesseps. Parlez-nous de ça un petit peu, des origines de Jacques de Lesseps, de l'enfance, de la jeunesse également qu'il va avoir. Oui, parce que c'est un nom qui nous dit pas grand-chose au Québec, de Lesseps, mais quand on est en France, en tout cas dans la seconde moitié du 19e siècle, c'est un nom qui résonne fort, parce que vous l'avez dit, le vicomte Ferdinand de Lesseps est un homme illustre. On disait à cette époque-là que les deux Français les plus illustres étaient rien de moins que le vicomte ainsi que Victor Hugo. Alors, qui était-il? C'est qu'il était le père, le constructeur du canal de Suez, qui était à ce moment-là un ouvrage d'une grande prouesse technique dont étaient particulièrement fiers les Français. Et donc, son père, c'est Ferdinand de Lesseps, et son père aura deux épouses. La seconde, Hélène Autard de Bragard, c'est la mère de Jacques. Donc, Jacques naît en 1883 à Paris. Il est le fils cadet de 17 enfants. Et c'est une famille illustre. Donc, en France, on prenait des photographies qu'on vendait, des photos de la famille qu'on vendait sur les boulevards parisiens. Incroyable. Et donc, incroyable. Et à ce moment-là, donc au moment de la naissance de Jacques, son père est très âgé, il a 78 ans, et c'est un homme qu'il va connaître peu, puisque Jacques a 11 ans au moment de sa mort. Et donc, la fin de sa vie à Ferdinand de Lesseps sera moins glorieuse, puisqu'il sera mêlé au scandale de Panama. Il sera reconnu coupable pour ça. Cela dit, Jacques va tenir de son père le goût de l'aventure et une grande audace parce que, disons-le, au début du 20e siècle, pour piloter des avions, quand on sait le danger que l'on courait, ben, ça prenait de l'audace. Ouais. Et assez vite, d'ailleurs, il a la piqûre, comme on dit, pour ce monde de l'aviation, pour ce rêve de voler en avion. Il y a un élément qui est assez important pour lui, puis c'est intéressant parce que il va se lier d'amitié avec Louis Blériot, mais la traversée de la Manche par Louis Blériot, justement, en 1909, c'est pour Jacques de Lesseps une sorte de détonateur. On en parle ensemble dans un instant, Myriam Wojcik, mais on écoute d'abord la femme de Louis Blériot, Alice Védère, raconter l'exploit de son mari, quand il traverse la Manche, justement, en 1909. Mon mari partait dans des conditions physiques détestables, les conditions... Oui, avec son pied brûlé. Les conditions atmosphériques déplorables, le temps était affreux. Et qu'est-ce qu'il avait comme instrument de navigation? Il n'avait rien du tout. Rien du tout? Rien du tout, que son intuition. Que l'idée qu'il fallait aller tout droit. Qu'il fallait aller tout droit. Alors le temps s'est amélioré dans la soirée, dans la nuit du 24 au 25. Et pour pouvoir arriver à se poser sur le terrain où il s'est posé, il a dû chercher une faille dans les falaises parce que l'altitude qu'il pouvait atteindre ne lui permettait pas de dépasser ces falaises. Et chaque fois qu'il arrivait à leur hauteur, le vent le rabattait au sol. Alors il a donc dû trouver un couloir qui lui a permis de se faufiler, d'arriver sur le point d'atterrissage. Alors qu'est-ce qui pousse Jacques de Lesseps à devenir aviateur? D'où lui vient cette envie de voler, Myriam Wojcik? C'est formidable, hein, cet extrait de la femme de Louis Blériot. Mais ça lui vient, Louis Blériot, ça lui vient de cet exploit extraordinaire que Louis Blériot réalise en juillet, donc 1909. Je veux spécifier qu'à ce moment-là, pourquoi il décide de réaliser cet exploit-là, c'est qu'il est au bord de la faillite et c'est qu'il voulait devenir constructeur aéronautique et que le propriétaire du Daily Mail offrait 25 000 francs à celui qui réaliserait cet exploit-là. Donc, Louis Blériot participe à ça et ça va lui apporter prestige, ça va lui apporter fortune, ce qui lui va lui permettre de créer une école, donc l'école de Louis Blériot qui sera célèbre et également de faire construire des avions. Et c'est dans cette école-là, donc l'école de Louis Blériot, que de Lesseps s'y inscrit. Et je dois spécifier que c'était un sport de riche, hein? Oui. C'était un hobby que c'est pas n'importe qui pouvait se permettre, puisque pour s'inscrire à cette école, par exemple, ça coûtait entre 2000 et 4500 francs. Donc, pourquoi cet écart-là? C'est que si vous décidiez de payer 4500 francs, ben, s'il y avait de la casse, pas de problème. Mais si vous ne payiez que 2000 francs, eh bien là, si votre avion était cassé, vous deviez rembourser les frais. C'est un risque. Enfin, la question se pose, est-ce que je prends le risque ou pas? C'est intéressant, Myriam, parce que vous disiez, le Daily Mail, il est au bord de la faillite, Louis Blériot, et c'est cette bourse qu'offre le Daily Mail qui le convainc de se livrer à cette épreuve, de traverser la Manche en avion pour une première fois. Ça va revenir, ça. On est au début de l'aviation et les grands médias participent au développement de l'aviation, de l'histoire de l'aviation. Il faut dire qu'il y a un engouement incroyable à ce moment-là pour l'aviation. Ah oui, il y a un engouement extraordinaire au début du 20e siècle. Les gens sont fascinés par ces objets volants. On doit dire, par exemple, que ça remonte à il y a très longtemps, à des milliers d'années. Hein. Le rêve de voler, c'est un rêve qui est tellement ancien. On n'a qu'à penser, par exemple, au mythe d'Icare. Mm-hmm. Hein, Icare qui voulait s'approcher, qui s'est approché trop du soleil, hein, malgré les recommandations de son père. Donc, ses ailes, la cire qui retenait ses ailes a fondu. Donc, par vanité, il est tombé, il est mort. Mais cette volonté de se dépasser, de se rapprocher de Dieu, cette volonté d'être libre aussi, elle remonte à bien longtemps. Et ceux qui vont réaliser cet exploit, les premiers, en fait, ce sont les frères montgolfiers. Oui. Donc, ce n'était pas un avion, évidemment, à proprement parler. C'était des montgolfières, ce qu'on va surnommer des montgolfières, évidemment. Mais ils réalisent cet exploit en 1783. Et à ce moment-là, vous parliez de fascination, il y avait une véritable frénésie des ballons qui s'étaient emparés de l'Europe et qui va durer très longtemps jusqu'à ce qu'on décide, certains se disent, ben ça c'était des plus légers que l'air, mais pourquoi est-ce qu'on ne se mettrait pas à construire des plus lourds que l'air? Et donc, il va y avoir des tentatives de construire des planeurs, par exemple, au cours du 19e siècle, oui. Jusqu'à ce que les frères Wright, donc en décembre 1903, réussissent le premier vol motorisé de l'histoire. Un vol qui n'a duré que 12 secondes, mais qui va propulser cette course au record. Tout le monde va vouloir être le premier à traverser la Manche, premier à traverser l'Atlantique, premier à aller le plus haut en haute altitude, etc. Et vous parliez de cette frénésie-là, mais il va y avoir des grands rassemblements aériens au début du 20e siècle. Tout le monde voulait voir ces héros populaires, ces gens plus grands que nature qui osaient, qui frôlaient la mort et souvent qui mouraient, justement. Et c'est ce mouvement, cet enthousiasme, cet engouement qui va, d'une certaine façon, conduire Jacques de Lesseps à Montréal. Il se retrouve à Montréal en 1910 et c'est là, donc, qu'il écrit une importante page de l'histoire de l'aviation chez nous. Il y a 100 ans, le journal La Presse de Montréal organisait à Pointe-Claire un grand concours d'aviation. Pour la première fois, le grand public canadien pouvait voir des avions en vol. Lors de ce spectacle aérien, le 2 juillet 1910, on sort de son hangar un Blériot 11, le premier avion qui a traversé la Manche un an plus tôt. Le pilote français Jacques de Lesseps prépare un autre coup d'éclat. Ce jour-là, il entame un aller-retour entre Pointe-Claire et Montréal. Il survole même le centre-ville, une première au Canada. Ce vol de 49 minutes et 3 secondes était une performance phénoménale à l'époque. Extrait de reportage de Gilles Provost diffusé à l'émission Découverte en avril 2009. On peut dire avec ce qu'on vient d'entendre, Myriam Wojcik, que c'est une entrée remarquée, c'est le moins qu'on puisse dire, que fait Jacques de Lesseps chez nous en 1910. Absolument, pour participer à cette grande semaine de l'aviation de Montréal. On doit dire, par exemple, que quelques mois auparavant, il avait réussi un exploit extraordinaire. Il est devenu, 3 mois après s'être inscrit à l'école de Louis Blériot, le premier pilote à effectuer un vol de nuit. Oui. Donc, dans le monde. Et puis, par la suite, il sera le deuxième à traverser la Manche. Donc, on l'attend avec impatience. Au Québec, les journaux en parlent. On raconte ses plongeons périlleux, la grâce avec laquelle il réussit à faire atterrir son avion qu'on compare à la légèreté d'un pigeon. Et donc, il est vraiment le clou du spectacle, parce qu'on attend quand même une quinzaine d'aviateurs, des parachutistes, des aéronautes qui sont invités à cette semaine de l'aviation, mais lui reçoit 15 000 $, donc, dont 5 000 pour ses frais de transport, parce qu'il faut quand même dire qu'il avait 2 avions qu'il fallait qu'il fasse venir ici. Ouais. Et ça va être extraordinaire. Donc, le 2 juillet, lorsqu'il s'envole, lorsqu'il décolle juste après 18 heures, il survole l'île Sainte-Hélène, les îles de Boucherville, Montréal, revient par la Chine, Dorval. Donc, comme on le spécifiait dans l'extrait que vous nous avez présenté, ça durait 49 minutes et 3 secondes, donc c'est 58 kilomètres. Mais imaginez, à ce moment-là, personne n'avait jamais entendu le vrombissement d'un avion, personne n'en avait vu dans le ciel, cet oiseau mécanique. Ça devait être un spectacle extraordinaire. Les gens sont fascinés, courent ces rassemblements, ces grands festivals de l'aviation. Et c'est durant ce séjour au Canada, en 1910, qu'il va aussi survoler, parce que, bon, il survole Montréal, c'est une première, mais il fera la même chose à Toronto, Peu de temps après. Oui, exactement. Le 13 juillet, il survole Toronto. Il est le premier. Et trois mois plus tard, il va gagner la course de la Statue of Liberty Race. Et c'est intéressant, ça devait être très touchant pour lui, parce que c'était 24 ans après que son père ait inauguré avec le président américain, donc cette fameuse Statue de la Liberté. Ça devait être un moment de grâce pour Jacques de Lesseps. Et puis pendant qu'il est au Canada, Myriam Wojcik, il tombe amoureux, Jacques de Lesseps, d'une riche ontarienne. Il va d'ailleurs l'épouser. Racontez-nous un peu cette histoire-là. Oui, c'est lors de son séjour à Toronto qu'il fait la connaissance des filles de William Mackenzie. Donc, William Mackenzie, qui est un magnat du chemin de fer, cofondateur du Canadian Northern Railway. Il lui présente ses trois filles, mais celle pour qui il a davantage le béguet, c'est Grace. Ils vont se marier, donc ils se marient à Londres 6 mois plus tard, ils n'ont pas perdu de temps, et ils vont vivre à Paris, donc pendant plusieurs années, vont avoir 4 enfants ensemble, 2 garçons et 2 filles. Et rapidement, le mariage va battre de l'aile, donc une dizaine d'années plus tard, ils vont se séparer et Grace va retourner au Canada, en Ontario, avec ses 4 enfants. Et c'est ce retour de Grace en Ontario avec ses 4 enfants qui fait que, éventuellement, de Lesseps va chercher à revenir au pays, puis l'occasion va se présenter. Il va se retrouver en Gaspésie à un moment donné. Dans quelles circonstances? Oui, absolument. Pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, de Lesseps était devenu un héros de guerre, avait gagné plusieurs distinctions, la Croix de guerre, etc. Mais tout de suite après la guerre, lui, comme tant d'autres pilotes, se retrouve sans emploi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement pour gagner leur vie? Soit ils réussissent à faire des cascades aériennes en se faisant inviter dans les rassemblements aériens, ou bien ils font de la photographie aérienne. Je dois préciser que la photo aérienne, ce n'est pas récent, ça remonte quand même à l'époque de Nadar, donc à la fin des années 1850. Sauf que c'est vraiment à partir de la fin de la Première Guerre mondiale qu'il y aura véritablement un essor. Oui. Et donc, au Québec, comme ailleurs dans le monde, il y a des compagnies aériennes qui sont fondées au début des années 20 et qui vont effectuer un inventaire photographique des territoires de coupe, par exemple en Mauricie. Mais il n'y avait pas eu ça en Gaspésie encore. Et donc, Honoré Mercier-Fils veut dresser, lui, l'inventaire des forêts de la Gaspésie. Il est ministre des Terres et Forêts. Et donc, il décide de signer un contrat en 1925 avec la compagnie aérienne française, spécialisée en photogrammétrie, dont faisait partie Antoine de Saint-Exupéry, mm-hmm, et de Lesseps, qui va devenir chef pilote et chef de l'exploitation. Et donc, il décide, quand il vient ici, d'installer une hydrobase principale à Gaspé, d'où il fait venir 2 hydravions. Et puis, il va devenir la coqueluche du village. Imaginez, c'est un aristocrate. Cet homme-là était très élégant, comme le spécifiait tout à l'heure l'extrait. C'était un homme très affable qui acceptait même de faire des tours d'avion à certains enfants qui se passionnaient par l'aviation. Et puis, à l'été 1926 et 1927, il fait 200 heures de vol, parcourt 25 kilomètres carrés et donc réalise la cartographie de cette magnifique région. Ouais. Et puis petit à petit, il va y avoir installation d'une 2e base à Valbriand et puis des bases secondaires ailleurs, à Pointe-aux-Trembles, à Sillery, en Abitibi. Mais ce travail qui a l'air à première vue banal, il cartographie, il prend des photos aériennes des terres gaspésiennes. Ce travail-là va créer des tensions importantes entre les gouvernements de Québec et d'Ottawa. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour Ottawa, les provinces n'avaient pas de compétences en matière d'aéronautique. Et donc, Ottawa n'était pas content. On n'était pas content que le Québec ait engagé une compagnie étrangère. Et ce qu'on disait, c'est que les pilotes devaient absolument être des sujets britanniques. Or, de Lesseps n'était pas un sujet britannique, c'était un Français. Et donc, même si le Québec décide de créer une filiale de la compagnie aérienne française, qu'on va appeler la compagnie aérienne franco-canadienne, dont le siège social sera sera établi à Montréal. Ça ne satisfait pas Ottawa. Et là, les journaux vont s'en mêler. Les journaux anglophones s'en mêlent. Et même qu'on commence à nuire à la réputation de Jacques de Lesseps. Et ça, ça ne lui plaira pas du tout. Oui. Et ce qui fait que c'est cette querelle, incroyable mais vraie, cette querelle fédérale-provinciale, Myriam Wojcik, qui va faire que le destin de Jacques de Lesseps va basculer de manière fatale le 18 octobre 1927. Racontez-nous ce qui se passe ce jour-là. En fait, c'est qu'il est convoqué ce jour-là à Valbriand, donc à la base de Valbriand. Celui qui l'attend là-bas, c'est le ministre des Terres et Forêts, donc Honoré Mercier-Fils, mais également le président de la compagnie aérienne française qui a fait le voyage au Québec spécifiquement pour participer à cette rencontre-là. Donc, c'est une rencontre qui est extrêmement importante pour Jacques de Lesseps. Or, ce matin-là, il ne fait pas beau du tout, il y a énormément de brouillard, il y en a à Gaspé et il y en a également dans la vallée de la Matapédia. Il y a un télégramme qui est envoyé à l'hôtel Morin, donc à Gaspé. Et là, on dit « Avertissez Jacques de Lesseps qu'il ne doit pas décoller si les conditions sont trop périlleuses. Mmh. » Il n'a pas le message à temps. Il décide de partir à 13 heures en compagnie de son mécanicien Théodore Tchitchenko. Il survole Valbriand, il est tout prêt. Les gens l'entendent. Et là, tout le monde est inquiet. Donc, on fait sonner les cloches d'église. On allume les projecteurs de la compagnie de chemin de fer. On déclenche la sirène, la scierie chaque 30 secondes, juste pour dire on est là, atterrissez. Mm-hmm. Il n'arrivera pas à le faire. Et son avion, malheureusement, sera trouvé, donc près de Matane, 3 jours plus tard. Et son corps sera retrouvé 45 jours après. Au large de Terre-Neuve. Et jamais on retrouvera son mécanicien Tchitchenko. Ouais, c'est d'une bêtise. Et donc, les funérailles vont avoir lieu le 14 décembre 1927. Il sera mort à l'âge de 44 ans. C'est d'une tristesse infinie. Absolument. Un mot en terminant sur... on l'a entendu, effectivement, Gaspésie, c'est vraiment une présence qui a été marquante parce que cet homme affable dont vous parliez, plus largement que ça, qu'est-ce qui reste de lui dans notre mémoire collective? Est-ce qu'il y a des traces tangibles du passage de Jacques de Lesseps chez nous? Oui, il y a plus de 1000 photographies qui subsistent, hein, de la Gaspésie essentiellement, mais il y a aussi des belles photos de l'île d'Orléans, de Montréal, de Québec, que lui a prises évidemment, mais aussi ses pilotes. Et on a tiré, c'est intéressant, on a tiré 800 cartes postales de ces photos. Alors, ce sont des cartes postales qui ont été faites en France, réalisées pour promouvoir cette magnifique région. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder, il y a un très bel ouvrage qui a été publié récemment par Pierre Lahoud qui s'appelle « Paysages gaspésiens de Lesseps Lahoud 1927-2017 », dans lequel on peut comparer les paysages de la Gaspésie avec ceux d'aujourd'hui, les photos de Lesseps avec celles de Pierre Lahoud. Et c'est fascinant parce qu'on peut voir justement l'érosion qui a cours depuis plusieurs décennies, mm-hmm. et puis la densification de la forêt aussi. Et puis, aujourd'hui, il y a un parc Jacques de Lesseps à l'aéroport de Montréal. Et puis, si vous allez en Gaspésie, si vous aimez la bière, il y a même une bière qui porte son nom. Ah, je retiens ça. Myriam Wojcik, c'était un bonheur de vous recevoir à l'émission. Récit passionnant que vous nous avez raconté. Je vous rappelle que vous êtes historienne en chef pour l'émission Québec, présentée à Télé-Québec. Merci beaucoup, Myriam. Ça me fait très plaisir. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.